le phénomène de la personnalité. D'un point de vue particulier que je connais pas encore, hein, on va voir ce que je veux dire. D'abord, la personnalité, ce n'est pas ce que les gens pensent que c'est. La personnalité, c'est. La personnalité chez l'homme, c'est réellement un inconnu. C'est aussi inconnu chez l'homme, la personnalité, que la connaissance de soi. Chez l'homme, la personnalité, c'est une composante qui ne lui sert pas. C'est une composante qui l'afflige, qui le dessert. C'est une composante dans laquelle il y a énormément de force et d'énergie, mais tellement loin de sa réalisation à lui qu'il est incapable, lui, l'homme, d'aller chercher tout ce qu'il peut de sa personnalité. Si on disait, par exemple, qu'une personnalité, ça a une base de 100%, l'homme l'utilise à 10%, 15%. Ou s'il l'utilise à 60%, il l'utilise mal. Y a des hommes qui ont beaucoup de personnalité, mais ils utilisent mal leur personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas de personnalité ou la personnalité est faible, non créative, et elle ne le sert pas. Et l'homme doit en arriver à utiliser sa personnalité à 100%. Ceci veut dire que l'homme doit être capable d'ajuster son intelligence parfaitement. Et ajuster son intelligence parfaitement, ça veut dire utiliser son intelligence parfaitement. Et utiliser son intelligence parfaitement, c'est utiliser son intelligence à la limite de sa personnalité émotive. La limite de la personnalité émotive chez l'homme, c'est la limite où l'émotion n'a plus d'influence sur sa personnalité. Où la seule force en lui qui fonctionne, c'est l'intelligence. Et où la seule dimension réelle de la personnalité devient efficacement réalisable quand l'intelligence fonctionne full blast. Mais l'homme, pour toutes sortes de raisons, se refuse d'utiliser sa personnalité. Ou il a peur d'utiliser sa personnalité totalement. Et à cause de cette crainte, il est obligé de vivre sa personnalité selon les lois d'informations émotives qui entrent dans son cerveau. Au lieu d'utiliser sa personnalité selon les lois mentales qui entrent dans son cerveau. Ce qui fait la différence entre une personnalité qui est totalement utilisée par l'homme et une personnalité qui est partiellement utilisée par l'homme, c'est la différence entre sa capacité de vivre de sa personnalité, d'utiliser sa personnalité comme si cette personnalité était un outil qui sert à balancer son énergie intérieure, soit son énergie mentale, son énergie astrale ou son énergie physique. La personnalité, ce n'est pas une composante qui a de la valeur pour l'homme. Et elle n'a pas de valeur pour l'homme parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient de lui-même. Puis il n'est pas suffisamment conscient de lui-même parce qu'il a peur de s'utiliser totalement. L'homme a peur de s'utiliser totalement, c'est-à-dire qu'il a peur il a peur d'entrer en confrontation avec des aspects de la personnalité qui sont enregistrés émotivement dans son psychisme, de sorte qu'il n'est pas capable de se confier parfaitement à son intelligence et d'utiliser parfaitement sa personnalité pour que le lien, le contrat entre son intelligence et sa personnalité soit parfait. Autrement dit, pour qu'il puisse vivre une vie non pas à la hauteur de sa personnalité, mais à la hauteur de son esprit qui se sert de sa personnalité. Chez l'homme, la personnalité est exécutive, mais elle n'est jamais législative. Elle est exécutive en fonction de sa mémoire, elle est exécutive en fonction de son expérience, elle est exécutive en fonction de la douleur qui naît de la crainte de la souffrance. Autrement dit, elle est exécutive ou exécutée ou manifestée en fonction de la douleur qui naît de la souffrance, qui provient du fait que l'homme n'est pas suffisamment dans son intelligence pure pour calmer toute douleur, c'est-à-dire pour neutraliser toute douleur, c'est-à-dire pour mettre un frein, un arrêt total et absolu à toute émotivité qui cherche à engendrer dans la partie mentale de l'homme une réaction quelconque subjective qui diminue la personnalité. La personnalité de l'homme, elle est diminuée à cause de son émotion. La personnalité de l'homme est déformée à cause de son émotion et de son intelligence subjective. La personnalité de l'homme, elle est rendue créative, dynamique, puissante, irrésistible par son intelligence pure. Ce sont les lois de la personnalité. Mais pour que l'homme utilise, pour que la personnalité de l'homme devienne irrésistible, c'est-à-dire pour que la personnalité de l'homme ne puisse plus être infligée de l'extérieur une émotion quelconque, il faut que l'homme soit totalement conscient de son intelligence. S'il n'est pas totalement conscient de son intelligence, il y aura dans sa personnalité des faiblesses, des failles, des lacunes, des craintes, des inquiétudes. Autrement dit, il y aura des inaptitudes. Et dans une personnalité, il ne doit pas y avoir d'inaptitudes. Parce que la personnalité doit être au service de l'esprit et non l'esprit au service de la personnalité. Mais pour qu'il n'y ait pas d'inaptitude dans la personnalité, il faut que la convention entre l'esprit et la personnalité soit totalement détruite par l'intelligence de l'homme. Et la convention entre l'esprit et la personnalité est une convention qui est formulée chez l'homme dès son berceau, au cours de son éducation, au cours de son évolution dans une société inconsciente, où l'homme est paraphrasé dans son expérience, où l'homme ne vit pas son expérience. L'homme ne vit pas son expérience. Rares sont les hommes sur la Terre qui vivent leur expérience. Parce que rares sont les hommes sur la Terre qui ont suffisamment d'intelligence imprévisible. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence imprévisible? L'intelligence imprévisible, c'est de l'intelligence qui n'appartient pas à la personnalité. C'est de l'intelligence créative. Ce que vous appelleriez, vous, dans votre vocabulaire, de l'impulsion. Mais ce n'est pas de l'impulsion. C'est une direction, c'est du dirigisme qui provient de la vibration d'intelligence qui perce à travers le mental et l'émotion et qui force la personnalité à être sous le contrôle de l'esprit, au lieu que l'esprit soit atténué dans son organisation créative par la personnalité qui est assujettie à une condition quelconque du plan émotif ou du plan mental de l'expérience subjective. La personnalité pour l'homme, ça doit devenir comme de la monnaie sonnante. La personnalité pour l'homme doit devenir un atout, un attrait. Elle doit devenir quelque chose qu'il utilise au niveau de son esprit pour rendre sa vie dans la matière plus facile, plus noble, plus belle, plus grande, plus grandissante. Plus créative. Mais si l'homme ne connaît pas sa personnalité, autrement dit, si l'homme n'est pas capable d'abattre les traits fautifs de sa personnalité, à ce moment-là, il est incapable de se créer le contour d'une personnalité qui réfléchit son esprit, autrement dit, son intelligence réelle. Et un homme peut vivre toute sa vie, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit ses argents, quelle que soit sa philosophie, quelle que soit son intelligence. Un homme peut vivre toute sa vie sans bénéficier de sa personnalité. Et c'est très particulier, bénéficier de sa personnalité. Parce que pour que l'on bénéficie de sa personnalité, il faut qu'on sache une chose. Il faut qu'on sache une chose. Il faut qu'on sache que notre personnalité, elle est intégrale. Et intégrale veut dire qu'elle est en fonction de soi-même, 100%. Si notre personnalité est moindrement hors de fonction ou n'est pas totalement et 100% en fonction de soi-même, de notre esprit, c'est une personnalité qui est déjà lavée. Elle est déjà lavée par le temps, elle est déjà lavée par le monde dans lequel on vit. Autrement dit, elle est déjà affaiblie. Autrement dit, elle ne sert pas l'esprit de l'homme. Et si elle ne sert pas l'esprit de l'homme, la personnalité ne peut pas se projeter dans le monde. Elle ne peut pas se projeter dans le monde. Et si elle ne se projette pas dans le monde, elle ne peut pas créer dans le monde de choc. Elle ne peut pas créer dans le monde de reflets. Elle ne peut pas créer dans le monde d'impressions. Et ces matériaux-là, les chocs, les impressions, les reflets, sont une projection dans le monde de la personnalité en fonction du pouvoir de l'esprit sur le mental et l'émotion de l'homme. Donc, à ce moment-là, dans le monde, il y a moins de personnalités. Et comme il y a peu de personnalités dans le monde, il y a peu dans le monde de créativité qui soit réalisable sur le plan d'une personnalité, autrement dit, sur le plan d'un corps matériel. Donc, il n'y a dans le monde que des fruits un peu dispersés, non raccordés, non harmonisés, qui proviennent de toutes sortes de personnalités plus ou moins faites, plus ou moins parfaitement composées, et c'est ce qu'on appelle la conscience sociale de l'humanité. Il y a des hommes qui viennent dans le monde qui ont plus de personnalité que d'autres hommes. Des Charles de Gaulle, des Churchill, des... Bon, il y a des hommes qui viennent dans le monde qui ont plus de personnalité. Et lorsque, comme ils ont plus de personnalité que la majorité des hommes, on dit qu'ils ont du charisme. Mais on fait une erreur très subtile. C'est qu'aussitôt qu'on rencontre des hommes qui ont un peu de charisme, on commence à se regarder, nous autres, on se dit, on n'a pas de charisme, nous autres. Comment ça se fait que j'ai pas de charisme, moi? Que lui a du charisme, puis l'autre a du charisme. Puis la raison pour laquelle on n'a pas de charisme, c'est parce qu'on n'a pas compris que la personnalité, c'est quelque chose qui doit être intégral. C'est quelque chose qui peut être cultivé, développé, sans fin. Il y a des hommes qui viennent dans le monde, qui ont des situations de vie à cause de leur plan de vie, qui leur permet d'avoir une personnalité charismatique. OK, les conditions de vie permettent. Mais il y a des hommes qui viennent dans le monde qui ne sont pas nécessairement choyés dans le plan de vie, mais qui peuvent éventuellement développer une personnalité qui soit charismatique, c'est-à-dire une personnalité qui soit foudroyante, qui soit réelle, qui soit pulsative, qui soit totalement en ligne avec leur esprit et non en ligne avec la mémoire de leur émotion et de leur intellect. Alors, ce qui enlève à la masse humaine le charisme dans les personnalités unitaires, c'est que la masse humaine, c'est la masse humaine. Autrement dit, l'homme se nourrit mentalement et émotivement de ce qui traîne dans les allées du monde, et ce qui traîne dans les allées du monde, mais c'est ce que nous retrouvons dans la conscience sociale de l'humanité inconsciente de la cinquième race. Mais l'individu, lui, peut très facilement sortir de cette condition et commencer à cultiver sa personnalité. Comprendre sa personnalité, réaliser sa personnalité, vivre sa personnalité. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'il en arrive petit à petit ou éventuellement à saisir l'importance de son identité. Parce que il ne peut pas y avoir de personnalité chez un homme, il ne peut pas y avoir de personnalité qui vibre, qui crée des chocs, qui crée des impressions, qui fait se déplacer le monde, si il n'y a pas chez l'individu une prise d'identité. Et l'identité, tous les hommes en ont une en potentiel, et c'est pourquoi toutes les personnalités humaines sont en potentiel. La personnalité de l'homme, c'est un phénomène psychologique en potentiel. Mais les hommes ont une mauvaise habitude qui date de très très longtemps, c'est que les hommes n'ont pas suffisamment de regard pour eux. Ils ont beaucoup de regard pour les autres, mais ils n'ont pas de regard pour eux. Et c'est ça qui tue la personnalité. Et regardez les hommes dans le monde qui ont été charismatiques. De Gaulle, Churchill, j'en pourrais en nommer quelques-uns, Trudeau. Ils ont de regard pour eux. Et la première condition pour le développement d'une personnalité qui est fondée sur le principe de l'identité dans l'homme, c'est d'avoir du regard pour soi. La spiritualité tue dans l'homme la personnalité. Pourquoi? Parce que la spiritualité, au lieu de donner à l'homme ou de permettre à l'homme qu'il ait un regard sur lui, elle va éventuellement déplacer le regard pour qu'il ait soit le regard sur Dieu, ou soit le regard sur une philosophie spirituelle, ou soit le regard sur l'amour de l'humanité, ou il va toujours avoir le regard en dehors. Et on va lui dire, s'il est grand saint ou s'il est grande personne dans cette expérience, on va dire que cette personne-là, elle est très bonne. Elle est une personne. Elle est un personnage. Mais elle n'a pas de personnalité. Les grands saints n'avaient pas de personnalité. Ils étaient des personnes, ils étaient des personnages, mais ils n'avaient pas de personnalité. Parce que tout était vers d'autres choses. Et l'homme de la sixième race, la nouvelle évolution, l'homme sera obligé, à cause de la nature de la vibration de l'intelligence supramentale et à cause de la nature des nouvelles vibrations qui descendent sur le plan matériel et qui construisent un pont entre la matière et l'éther, les hommes seront obligés, à un certain niveau, au cours de l'évolution qui vient, de diriger leur regard vers eux. Parce que c'est seulement lorsqu'on est très riche qu'on peut faire beaucoup de choses. Quand on est riche, intérieurement, on peut faire. Quand on est riche, on peut donner. Quand on est pauvre, on ne peut rien donner. Et c'est plein de pauvres dans le monde qui veulent donner. Qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent des haillons. Et l'homme devra découvrir ceci, parce que l'homme devra comprendre que la pauvreté, c'est un malaise, c'est une condition inférieure de l'homme, la pauvreté de plus niveau. Et si l'homme est pauvre, il ne peut pas créer parce qu'il n'a pas de suffisance mentale et émotive dans sa personnalité pour créer. Pour créer, il faut être très en santé, à tous les niveaux. Pour créer, qui est une forme de donner dans le monde, il faut avoir beaucoup en banque. Autrement dit, il faut avoir beaucoup d'énergie dans le mental, il faut avoir beaucoup d'énergie dans l'astral, il faut avoir beaucoup d'énergie dans le vital. Autrement dit, il faut avoir une personnalité qui est explosive pour créer. Si on n'a pas de personnalité explosive, on ne peut pas créer. Et c'est pourquoi les hommes qui sont en évolution, à un certain moment donné, en arrivent à chercher. D'ailleurs, vous vivrez ça au cours des années qui viennent. Vous cherchez à créer. Et quand je dis créer, je ne veux pas dire travailler ou vous trouver un job. Je dis quelque part dans le temps, vous chercherez dans votre tête quelque part. Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire? Et vous ne pourrez pas le saisir. Parce que ça vient seulement quand la personnalité se construit. Alors, vous vivrez un certain nombre d'années où vous chercherez qu'est-ce que c'est que je veux faire. Puis vous sentirez qu'il y a quelque chose ici, là, que vous voulez faire, mais vous ne serez pas capable de mettre votre doigt dessus. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas encore dans votre personnalité. Vous ne serez pas encore dans l'identité de votre personnalité. Et cette prise de conscience-là créera une sorte de souffrance qui changera les vibrations dans le mental, émotionnel et vital. Et c'est ça qui reconstituera ou élèvera ou créera votre personnalité réelle. Et à ce moment-là, ben, vous saurez qu'est-ce que c'est que la personnalité. Je dis que l'homme n'est pas conscient, il ne sait pas qu'est-ce que c'est de la personnalité. C'est un peu comme un aveugle. Un aveugle, il va sentir la chaise, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est une chaise. Il a ça. Bah. Mais c'est quand les yeux sont ouverts qu'il sait qu'est-ce que c'est une chaise. Et l'homme, avec sa personnalité, c'est la même chose. L'homme tâtonne sa personnalité depuis des années de temps. Mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et il n'y a rien de plus important pour un être humain que sa personnalité, parce que c'est la chose la plus près dans la matière de son identité au niveau de son esprit. Et pour qu'il y ait une relation étroite entre l'esprit et la personnalité de l'homme, il faut que l'homme ait saisi l'importance du fait que nos personnalités, tant qu'elles ne sont pas recomposées, ne nous servent pas. Et quand je dis qu'elles ne nous servent pas, je veux dire qu'elles ne servent pas l'homme. C'est-à-dire qu'elles ne permettent pas à l'esprit dans l'homme de manipuler les impressions de la terre à son avantage. Et l'esprit dans l'homme doit manipuler les impressions de la terre en son avantage. Parce que si l'esprit ne manipule pas les impressions de la terre à son avantage, il est automatiquement manipulé par elle. Donc, il est existentiel, il ne vit pas. Il est planétaire, il n'est pas cosmique. Il est partiel, il n'est pas total. Il regarde à côté pour mesurer ce qu'il est. Il n'est pas à l'aise dans n'importe quelle société parce qu'il n'est pas à l'aise avec lui-même. Il va être à l'aise dans les basses sociétés, mais il ne sera pas à l'aise dans les hautes sociétés parce que sa personnalité n'est pas concrète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la mesure de son esprit, elle est à la mesure de la réflexion dans son mental et dans son émotion des opinions qu'il a de lui-même. Et ce qui tue la personnalité de l'homme, c'est que l'homme a des opinions de lui-même. Et ce sont les opinions de lui-même qui créent chez l'homme la fausse personnalité et qui empêchent la personnalité réelle de poindre, de se manifester dans l'espace-temps et de créer dans le monde des impressions qui sont sous le contrôle vibratoire de l'esprit et non sous la loi émotive ou mentale de la projection psychologique de l'homme. Mais l'homme vit sa personnalité comme projection psychologique parce que l'homme est incapable de comprendre qu'est-ce que c'est que de la personnalité. On en parle dans les livres, on en fait des définitions, mais la définition d'une chose et la réalité d'une chose, c'est pas pareil. La réalité d'une chose, c'est la condition vibratoire du mental supérieur qui éclaire la partie inférieure de cette chose et qui donne à l'homme la capacité de sentir dans l'action créative qu'est-ce que c'est sa personnalité. Alors, un homme qui est dans son esprit, il est dans sa personnalité. Un homme qui n'est pas dans son esprit, il est en dehors de sa personnalité. Autrement dit, il n'est pas capable d'utiliser sa personne physique, matérielle, émotive, astrale, mentale, physique, pour le bénéfice de son esprit. Il est utilisé dans ses fonctions inférieures-là pour le bénéfice de son âme. Autrement dit, de sa mémoire. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qui tue dans l'homme la personnalité? C'est sa mémoire. Ça, c'est une clé que je donne. Ce qui tue dans l'homme sa personnalité, c'est sa mémoire. Et ce qui tue dans l'homme sa personnalité, c'est sa mémoire. Et un jour, si vous êtes amené à connaître votre personnalité réelle qui est en relation directe et parfaite avec votre identité, vous saurez que c'est ainsi, que ce qui tue dans l'homme sa personnalité, c'est sa mémoire. Regardez les erreurs que vous avez faites dans votre vie, les souffrances que vous avez faites dans votre vie, les douleurs que vous avez connues dans votre vie, et vous verrez que ces douleurs au niveau de vos personnalités ont été vécues en fonction de votre mémoire. Exact. Aujourd'hui, vous avez femme, aujourd'hui, vous avez mari, demain, vous avez plus femme, vous avez plus mari, ou vous avez boyfriend, vous avez plus boyfriend. Qu'est-ce qui se passe? Vous souffrez. Aussitôt que votre femme vous laisse, vous souffrez. Aussitôt que votre mari vous laisse, vous souffrez. Aussitôt que votre blonde vous laisse, vous souffrez. Votre chum vous laisse, vous souffrez. Pourquoi? Parce que vous êtes mémoire. Vos personnalités sont mémoire. C'est pour ça que l'homme souffre. Si vous n'aviez pas de mémoire, vous ne souffririez pas que votre blonde vous laisse ou que votre mari vous laisse. Ce serait normal, c'est le temps. Mais vous n'êtes pas capable de voir ça comme ça. Parce que votre personnalité, elle est fondée sur des principes qui sont encore actifs en vous, qui sont mentalement organisés et émotivement organisés en fonction d'une mémoire qui fait partie de la conscience ou de l'inconscient de l'homme et qui enlève à l'homme en tant qu'individu la capacité de vivre au niveau de sa personnalité. C'est très réel de la personnalité. Et dans la personnalité réelle, il n'y a pas de mémoire. Plus la personnalité est réelle, moins il y a de mémoire. Et c'est ça qui permet à l'homme qui est dans sa personnalité réelle d'engendrer une nouvelle énergie qui provient de son esprit et qui est totalement libre de la mémoire. Et c'est ce qui permet à l'homme de projeter dans le monde des impressions ou de créer des chocs ou de créer quelque chose qui crée un mouvement, une dynamique quelconque, à une échelle quelconque. C'est un processus normal, c'est un processus qui se fait totalement sans effort. Mais pour que l'homme accepte, pour que l'homme, on parle de personnalité, ben vous parlez de personnalité, mais Vous êtes venu au monde, vous avez développé une personnalité subjective. Mais quand vous devenez conscient, autrement dit, quand vous commencez à comprendre les lois de la vie, la personnalité que vous développez, elle ne vous est pas donnée gratuitement comme l'autre. Dans la première personnalité, c'est gratuit. Elle pousse. Elle se construit par elle-même selon la société dans laquelle on est. Elle construit sa mémoire. Après un certain temps, elle se stabilise et on vit de cette personnalité-là. Mais quand l'homme se conscientise, quand l'homme prend conscience d'une nouvelle vibration en lui, la personnalité neuve qui se construit sous le regard de son esprit, l'homme est obligé d'en souffrir la construction. Vous n'aurez jamais de personnalité réelle sans en souffrir de construction parce que ça fait partie de l'acte cosmique de l'homme, ça fait partie de la descente dans la matière des forces que l'homme a toujours refusées à cause de sa personnalité. Autrement dit, les forces de son esprit. Alors l'homme ne peut pas développer, réaliser sa vraie personnalité sans souffrir les chocs psychologiques au niveau mental et émotionnel que cette personnalité requiert dans sa construction, parce qu'une nouvelle personnalité, c'est une forme d'architecture. Tandis que l'ancienne personnalité, c'est simplement un dessin. C'est une esquisse. Mais la vraie personnalité, c'est de l'architecture, et cette architecture-là, elle est sans fin. Elle est sans fin. La personnalité réelle d'un homme change au fur et à mesure que ses pouvoirs internes changent, autrement dit, au fur et à mesure que le psychisme en lui s'ouvre, et il n'y a plus de fin au développement de la personnalité d'un homme. Alors, un homme à telle année a une personnalité, et dans 5 ans, il aura une autre personnalité qui sera une extension de celle-ci dans le temps, mais beaucoup plus développée, et dans 10 ans, elle sera encore plus loin, et dans 20 ans, elle sera encore plus loin. Parce que l'homme conscient ne se fixe pas dans le temps. Tandis que l'homme inconscient se fixe dans le temps. Vous regardez des gens inconscients que vous avez connus il y a des années. Vous avez du feu, s'il vous plaît. Vous regardez vos anciens amis que vous avez connus ou avec lesquels vous avez eu des associations. Regardez là, il y a 20 ans, regardez aujourd'hui, ce sont les mêmes gens. Ils n'ont pas changé. Ils ont des cheveux gris. Peut-être qu'ils portent des lunettes. Mais ils n'ont pas changé. Il n'y a eu aucune évolution en eux. Il y a eu des crises, ils sont devenus plus riches, plus pauvres, plus malades, moins malades. Mais ce sont les mêmes êtres. Mais l'homme qui se conscientise et qui développe cette personnalité, autrement dit, où le processus architectural de la personnalité se fait, après 5 ans, 10 ans, les gens que vous avez connus ne vous reconnaîtront pas. Et dans 15 ans encore moins, et dans 20 ans encore moins, et dans 30 ans encore moins, parce qu'il n'y a pas de fin à l'architecturisation de la personnalité humaine une fois que le processus vibratoire est commencé. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui l'a construit. Ce n'est plus l'ego. Et c'est justement parce que l'esprit construit la personnalité de l'homme et non pas l'ego qu'il y a une différence majeure entre la personnalité réelle et la personnalité sociale, la personnalité fautive ou subjective. Et c'est pourquoi l'homme doit souffrir dans la construction de sa personnalité. Et quand je dis souffrir, je dis souffrir dans un sens. Je ne veux pas dire nécessairement souffrir fortement, mais je veux dire qu'il doit prendre réalisation de quelque chose. Autrement dit, quelque part dans le temps, l'esprit lui imposera certains tests. Parce que l'esprit testera toujours la personnalité de l'homme. Pourquoi? Pour l'amener sous son contrôle. Parce que la personnalité de l'homme doit servir l'esprit. Alors l'esprit testera la personnalité de l'homme de différentes façons, de multiples façons. Mais l'esprit testera, imposera un test quelconque à l'homme. Et si l'homme peut vivre ce test, il y aura amélioration de son état émotionnel, amélioration de son état mental, amélioration de son état vital et même amélioration de son état physique. Et éventuellement, cet homme-là sera de plus en plus dans la personnalité de l'esprit, c'est-à-dire dans son identité. Parce que l'identité de l'homme, c'est la personnalité de l'esprit. Mais pour que l'homme connaisse la personnalité de l'esprit, il doit pouvoir investiguer dans sa vie présente les différents courants d'énergie qui deviennent de plus en plus concrets et de plus en plus affluents au fur et à mesure qu'ils se conscientisent. Autrement dit, l'homme doit prendre conscience à un certain moment de sa vie qu'il y a effectivement des changements dans l'air. Mais s'il y a des changements dans l'air, il ne faut pas qu'il se mette la tête dans le sable comme fait l'autruche. Il faut qu'il les vive, les changements. Et il y a beaucoup d'hommes qui vivent des changements ou qui sentent les changements dans l'air et qui se mettent la tête dans le sable comme fait l'autruche. Et ce qui se passe, c'est que le vent leur frotte le cul, mais ne change pas la tête. L'autruche. Pourquoi la psychologie n'a jamais été capable de réellement approfondir le phénomène de la personnalité? Parce que la psychologie elle-même, elle est personnifiée par des hommes qui sont dans une psychologie de personnalité subjective. Donc, la personnalité subjective ne peut pas clarifier la personnalité réelle, puisque elle-même n'est pas réelle. Donc, ce qu'elle crée au niveau de la personnalité et ce qu'elle engage l'homme à découvrir au niveau de la personnalité ou à stabiliser au niveau de la personnalité est toujours en fonction de ce qu'elle pense d'elle. Donc, la psychologie, au lieu de former la personnalité réelle de l'homme, fait interférence avec l'esprit, permet à l'ego de s'ajuster à son émotion et à son mental et garde l'homme, au niveau de sa personnalité, dans la merde. Autrement dit, le garde dans un statu quo. Et le gardant dans un statu quo, ça lui permet de vivre sa vie humaine en fonction d'un certain équilibre psychologique, mais l'équilibre psychologique, l'homme n'a pas besoin de ça. L'équilibre psychologique, c'est de la drogue. Ce n'est pas de l'équilibre psychologique que l'homme a besoin, c'est d'intelligence pure. L'équilibre psychologique, c'est bon, ça, quand on a une personnalité inconsciente, subjective, on a besoin d'équilibre psychologique parce que psychologiquement, on est déséquilibré. Alors, automatiquement, on cherche de l'équilibre psychologique, c'est normal. Mais quand l'homme commence à être dans son intelligence, quand l'homme commence à fonctionner en fonction de son esprit, quand l'homme commence à sentir le centre de gravité dans son mental, quand l'homme commence à développer une sorte de centricité, quand l'homme commence à être sûr d'être sûr, quand l'homme commence à être centré sur lui-même. Et quand je dis centré sur lui-même, je dis centré sur lui-même. Je ne parle pas d'égocentrisme. Je parle de centré sur lui-même. Quand l'homme commence à être centré sur lui-même, pour pouvoir mieux projeter dans le monde, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de sécurité psychologique. Il se crée une nouvelle psychologie. Il se crée une nouvelle psychologie. Il détruit l'assujettissement psychologique de l'ancienne, autrement dit, l'état émotif et mental de l'ancienne, pour ne vivre que de son esprit. Donc, il n'a plus besoin de l'opinion des hommes, il n'a plus besoin de l'opinion de la société, il n'a plus besoin de rien pour le soutenir moralement. Il est lui-même son propre support moral. Ceci ne lui empêche pas de convenir avec le social pour des raisons d'équilibre, d'impression. Mais lui, au niveau de sa vie, peut très bien se foutre de tout ce qui est social. Il n'en a plus besoin. Parce que c'est une nourriture qui a été remplacée par une autre. Tant qu'il y a de la viande dans le monde, des gens devront manger de la viande. Quand il n'y aura plus de viande dans le monde, des gens mangeront des raisins. En attendant, les gens mangent de la viande. Et l'homme conscientisé, l'homme centrique, c'est la même chose. C'est un homme qui, au niveau de l'esprit, ne mange plus de viande. Il mange des raisins. Il est autosuffisant dans sa personne. Donc, sa personnalité est sous le regard de son esprit et sert son esprit. Mais pour que l'homme en arrive à vivre sa personnalité en tant que structure servant son esprit, il faut qu'il puisse, à un certain moment dans sa vie, commencer à sentir que tout doit partir de lui, dans le mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital, tout doit partir de lui. Si ça vient vers lui, c'est plus bon. C'est déjà utilisé par d'autres hommes qui sont déjà dans la faiblesse de la personnalité subjective. Alors, les hommes n'ont pas conscience de leur personnalité parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que pour qu'elle existe, il faut que l'esprit soit dans la matière. Et pour que l'esprit soit dans la matière, il faut qu'il y ait une contravention des lois humaines. Et quand je dis contravention des lois humaines, je dis que l'homme centré sur lui-même, centrique, doit être en contravention avec les lois humaines. Je dis les lois humaines dans le sens des lois psychologiques humaines. Autrement dit, les lois qui sont basées sur une opinion collective. Et ce sont ces lois basées sur une opinion collective qui doit totalement sauter pour que l'homme puisse vivre sous des lois qui ne sont pas collectives, mais qui proviennent de la clarté de son esprit, de l'intelligence de son esprit, manipulant les lois de l'esprit selon les lois du discernement de l'intelligence qui permet à cet homme-là d'être en convention relative et équilibrée et harmonieuse avec les hommes qui ne sont pas de sa trempe, mais qui lui permet aussi d'être en relation et en convention harmonieuse avec d'autres qui le sont. Donc, l'homme peut fonctionner à tous les niveaux et à toutes les échelles de la conscience psychologique de l'humanité, qu'elle soit inconsciente ou qu'elle soit consciente ou qu'elle soit supramentale fusionnée. La personnalité, c'est mystérieux. C'est mystérieux. La preuve, c'est que les gens se fichent. Si l'homme ne se cherche pas, sa personnalité ne serait pas mystérieuse. C'est le fait que la personnalité est mystérieuse que l'homme se cherche. Un homme qui ne se cherche plus, sa personnalité n'est plus mystérieuse, elle est limpide. Elle ne se situe pas parce qu'une personnalité réelle ne se situe pas. Mais elle est limpide dans ce sens qu'elle est utilisée constamment et instantanément par l'esprit à tout moment de sa vie. Donc, à tout moment de sa vie, il est dans sa personnalité. Donc, à tout moment de sa vie, il réalise son identité. Donc, à tous les moments de sa vie, il est bien. Donc, à tous les moments de sa vie, il fonctionne d'une façon optimale. Donc, à tous les moments de sa vie, il est 100% sûr d'être en vie réelle. D'être en vie réelle dans le sens que, à tous les moments de sa vie, il sait que la relation entre l'esprit et sa personnalité est totalement harmonisée à son intellect, son émotionnel et son vital. Mais il n'est plus asservi émotivement et intellectuellement et vitalement par la personnalité qu'il avait, parce que son esprit a tué le lien entre ses corps subtils qui faisaient de la mémoire et ses corps subtils maintenant qui n'ont plus de mémoire. Pourquoi n'ont-ils plus de mémoire? Parce qu'il y a suffisamment d'élévation d'esprit pour que l'ego soit raréfié. Et c'est quand l'ego commence à être raréfié que l'homme commence à prendre conscience de sa personnalité réelle. Plus l'ego est raréfié, je ne dis pas qu'il disparaît, l'ego, il est raréfié. Plus il est raréfié, l'ego, moins il y a de réflexion dans l'homme, moins il y a de réflexion dans l'homme, moins il y a de conscience de personnalité. Moins il y a de conscience de personnalité dans l'homme, plus il a une personnalité qui est cristallisée, qui est créative, qui est sujette aux lois de l'esprit. La personnalité de l'homme conscient n'a pas besoin de réflexion pour être sécure. L'homme conscient n'a pas besoin de sécurité psychologique. L'homme conscient est simplement le produit de l'œuvre de l'esprit dans une personnalité pour créer dans le monde ou projeter dans le monde des chocs ou des impressions. Le mystère de la personnalité chez l'humanité, chez l'homme, provient du fait qu'on n'a jamais expliqué à l'homme la nature de sa descente dans la matière. L'homme n'a jamais été expliqué la nature de sa descente dans la matière et, n'ayant jamais été expliqué la nature de cette descente dans la matière, il n'a jamais compris le besoin de son ascension vers l'intelligence ou l'éther ou la lumière. Donc, l'homme a été forcé au cours de son évolution à retarder la progression de sa personnalité, a été incapable de s'identifier à lui-même, donc il a été incapable de reconnaître en lui le support de son esprit pour le bénéfice de sa personne, qui devient la manifestation de sa personnalité. C'est ce qui a créé le déséquilibre chez l'homme, et c'est ce qui a polarisé l'humanité, et c'est ce qui a empêché différentes nations qui représentent aussi différentes personnalités de se lier dans un courant universel d'intelligence et d'harmonie, donc des guerres. Parce que même s'il y a multiples personnalités parmi les hommes, il n'y a aucune raison pour que multiples personnalités deviennent une tour de Babel. Mais pourquoi multiples personnalités sont devenues tours de Babel? Parce que le langage de l'humanité a été coupé. Autrement dit, le langage de l'esprit a cessé d'être actif chez l'homme. Et lorsque le langage de l'esprit a cessé d'être actif chez l'homme, il s'est formé la fausse personnalité qui, dans une composante plus collective, est devenue la nation, donc la tour de Babel. Lorsque les hommes auront regardé la nature de leur personnalité en face et que les hommes auront cessé d'être inquiétés des mouvements subtils de l'esprit à travers leur mental et à travers leur émotion, ils n'auront plus peur d'exorciser leur ancienne personnalité pour retrouver la vraie. Et les hommes aujourd'hui sont encore au stade où ils ont peur d'exorciser leur ancienne personnalité parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais j'ai déjà expliqué que l'erreur n'existe pas. Elle n'est qu'une façon à la fausse personnalité d'intercepter la vraie. Si les gens dans la vie faisaient plus d'erreurs, il y aurait plus de personnalités. Et si vous regardez les hommes dans le monde qui ont vécu, qui ont touché à la chair de l'humanité et qui ont créé l'histoire et qui ont fait des choses dans le monde, des choses qui souvent nous critiquons parce que nous regardons par rétrospection, mais ces hommes qui ont vécu dans le monde, ils ont vécu toutes sortes d'expériences. Et plus un homme vit d'expérience, plus il y a de personnalité. Et les hommes qui ont peu d'expérience dans la vie n'ont pas de personnalité, presque. C'est plus important pour l'homme d'avoir multiples expériences dans la vie au cours desquelles il croit ou souffre peut-être la possibilité d'avoir fait erreur que ces gens qui fonctionnent dans une sorte de tunnel où il y a suffisamment de polarité entre le bien et pour le mal pour qu'ils puissent vivre selon la ligne du centre et arriver au ciel en toute sainteté. Les saints n'ont jamais fait évoluer la terre. Ce sont les hommes qui ont vécu plusieurs expériences à tous les niveaux, qui ont osé faire des erreurs avec de bonnes intentions, qui ont créé sur la planète ce que nous appelons aujourd'hui une civilisation. Les autres, ce sont des êtres qui sont minés par la crainte, l'inquiétude, qui n'ont pas suffisamment de personnalité pour oser même bouleverser, non pas la Terre, mais bouleverser leur équilibre psychologique. Et un homme qui a peur de bouleverser son équilibre psychologique a besoin beaucoup d'équilibre psychologique. On fait souvent allusion par la critique, parce que au stade où nous en sommes, nous ne pouvons pas regarder un homme en face sans le critiquer. Mais nous faisons allusion à la critique, nous parlons des hommes d'État ou des hommes de guerre qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, qui ont. Et la critique que nous faisons d'eux semble nous donner raison d'eux, mais n'empêche que les faits historiques ont été consumés par leur présence sur le globe, autrement dit, par leur personnalité un peu plus puissante que la nôtre. Alors, même si nous critiquons Staline, nous critiquons Hitler, nous critiquons Moshe Dayan, nous critiquons qui que ce soit, si nous critiquons, même si nous critiquons, nous ne changerons pas les faits de l'histoire. Et les faits de l'histoire ont été créés par des personnalités qui ont osé aller contre les courants de l'humanité, les révolutions françaises, ainsi de suite. Les Espagnols qui viennent à Mexico, qui font sauter la race indienne, nous avons critiqué. C'est une perte d'énergie. Et comme nous sommes des êtres de critique, c'est très dangereux la critique. Parce que la critique, c'est une forme subliminale d'auto-investissement moral. Lorsque nous critiquons quelqu'un, nous nous mettons dans une lampe ou dans une lueur ou dans une clarté, soi-même, sans réaliser que nous sommes nous-mêmes dans la pénombre. Qui ont fait quelque chose dans le monde, pendant que nous, nous bénéficions de ce qu'ils font, de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les limites de notre personnalité. Si nous connaissions les limites de notre personnalité, nous ne ferions pas ces critiques. J'entends souvent les gens critiquer le maire Jean Drapeau. Mais n'empêche que le maire Jean Drapeau, c'est lui qui vous a donné le stadium, c'est lui qui vous a donné les lampadaires sur la rue Sherbrooke, c'est lui qui vous a donné multiples choses dans la ville de Montréal. On critique toujours les hommes qui ont beaucoup de personnalité. Elle n'est pas parfaite, la personnalité, c'est normal. Mais ils ont beaucoup de personnalité. Et ce sont ces hommes qui ont beaucoup de personnalité qui créent des choses dans le monde, qui projettent des impressions, des chocs dans le monde. Ce sont ces hommes qui font la civilisation. Un des grands signes de la personnalité réelle, c'est qu'elle n'est pas critique. La personnalité réelle ne critique rien. La personnalité réelle ne peut même pas critiquer. Elle est incapable de critiquer.